Mais hier, là, puis je vais revenir là-dessus hier, parce que j'ai reçu à peu près une cinquantaine de courriels sur le débat que je suis allé faire hier avec un historien des conflits étudiants qui se prend pour Martin Luther King. Il m'a dit ça hier. Et parmi la cinquantaine de courriels, je reçois des courriels de Montréal. T'as fait ça à TV? À TV, à LCN. À LCN? Denis Lévesque? Ouais, avec un historien qui dit que lui, il livre le même combat que Martin Luther King. Il m'a dit ça hier. Moi, essayez de vous trouver l'extrait tantôt, d'ailleurs. Tabarnouche! Ça va pas bien. Il y en a, du monde qui se prennent pas pour la marde. Ça va pas bien, là. Et sur la cinquantaine de courriels, 80% des courriels étaient positifs. Mais les courriels de Montréal que je reçois des gauchistes, qui me traitent de gars de radio poubelle, ils sont les premiers à me traiter de crétin, de petite merde, d'enfant de chienne. L'autre jour, c'était mongol. Je me souviens même plus de toutes les insultes. Il y en a qui me parlaient de mes enfants. On était pas loin des menaces, là. Et ça, c'est les mêmes qui nous traitent de d'animateurs, de radio poubelle et de démagogues. Mais ils sont les premiers à nous insulter. Tu sais, j'ai pas de misère à le croire que Martineau, là, qui a écrit l'article que tu viens de lire, là. Oui. Pas de misère à le croire qu'il se fait menacer de mort, lui-là, là. Avec tout ce que je reçois, je suis rien qu'un ticaï, je passe 10 minutes à la TV, puis je me fais menacer, je me fais traiter tout et non par des gauchistes. J'ai aucune misère à croire que Martineau, lui, il est menacé de mort puis qu'il craint pour sa sécurité, là. Peux-tu te dire qu'avoir une femme puis des enfants dans ce contexte-là puis dans cette situation-là, effectivement, je laisserais rien passer puis je prendrais ça très au sérieux. T'as pas le choix. Et la haine et l'intolérance qu'on voit à Montréal depuis quelques semaines, c'est complètement fou. Hey, on a fait une chasse aux sorcières à Québec pour bien moins que ça. Du monde qui ont perdu le job pour bien moins que ça. Oui. Pis c'est drôle, hein? Dans la cour montréalaise, ce qui semble avoir retenu l'attention dans les débordements des dernières semaines, il y en a partout autour d'eux autres. Partout des médias, partout, ces ondes de toutes. Puis, non, ça, on n'en parle pas. Mais là, whoop! Oh, le prof Breton l'a échappé à 5h30. Oh, ben là on en parle. Là, on fait un blog. Hey, là on fait une chronique. Quoi? Asto, hein? Oh, ils l'ont encore fait. Ah, oh, la radio poubelle. Ah, oh, choix Radio X. Hostie de gang d'hypocrites. Maudite gang d'hypocrites. Maudite gang de malhonnêtes. Vous avez pas besoin de chercher loin pour trouver de l'intolérance et de la haine. Il y en a partout autour de vous autres. Vous faites semblant qu'elle n'existe pas parce qu'elle sert vos idées. Puis vous pensez que vos idées sont meilleures que les autres. Dans ce temps-là, tout passe. Tout est permis. Tout est permis ici à Moscou. Comme dans Rocky IV. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'il y ait des règles. Demain matin, il n'y a pas de règles. Je vis très bien avec la liberté d'expression. La mienne, celle des autres. Aucun problème avec ça. Au pire, on s'arrangera coup de poing sur la gueule. Pas de problème avec ça non plus. Mais c'est pas moi qui a décidé des règles. La société a décidé qu'il y avait des règles. Ils ont décidé de les appliquer à une certaine époque. Ça marche. C'est supposé marcher des deux bords. Tout le temps. Des deux sens. Mais la perte d'équilibre qu'on file déjà depuis quelques années... Le décalage entre l'île de Montréal et le reste de la planète, on le sent depuis quelques années. Mais là, ça nous pète d'en face depuis quelques semaines, là. Puis tu le vois, là, le bouillonnement de haine, d'intolérance, d'extrémisme, même de terrorisme.